endiablé, surprenant et surtout divertissant. Dernière chance de voir la Ligue BD cette saison. Grande finale 2015-2016, le dimanche 15 mai, 20h, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5 $. La Ligue québécoise Impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Information, liquibd.com. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Caro et Jean-Tiane Lafrance, toujours fidèles au poste, et avec vous pour la prochaine heure pour vous parler des arts visuels, bien sûr, oui, comme toujours. À Québec. À Québec, voilà. Bonsoir, Jean-Tiane. Bonsoir, Audrey. Alors, on peut dire que le printemps, oui, est définitivement arrivé. Enfin, oui, le beau temps est là, la chaleur est à nos portes, mais faut dire qu'aussi le milieu des arts visuels est aussi en pleine ébullition, véritablement, ces temps-ci. Là, beaucoup de choses à venir, des événements, oui. Des expos. Oui, en fait, ça bouge beaucoup dans la capitale, puis je vais avoir le plaisir de revenir avec ça en fin d'émission pour couvrir les différents événements à voir cette semaine. Oui, exactement. Donc, ce soir, on vous propose notamment, en première partie d'émission, une rencontre avec le duo français Non Football Club, qui est présentement à Québec pour une résidence de production qui est en préparation, là, c'est en préparation de la Manif d'art 8. De même que notre chroniqueuse Louane Bourdeau vient nous parler de l'événement Arbre d'avril qui est présenté présentement au Parc Saint-Roch et elle va être accompagnée donc de deux artistes participantes pour nous donner davantage de détails sur cet événement. Et en deuxième partie d'émission, il y a l'artiste Steven Girard qui va faire un retour avec nous sur l'exposition de Valérie Perron qui a été présentée dernièrement. Là, ça vient de se terminer à l'œil de poisson. Et en fin d'émission, la chroniqueuse Suzy Dufour vient nous parler de l'exposition Hermétique Club de Mathieu Valade qui est actuellement en cours à la Galerie 3. Oui, il faut rappeler aussi aux gens, la semaine dernière, c'était notre dossier spécial médiation culturelle et pour ceux qui auraient manqué l'émission, elle est disponible sur notre page web, donc l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Et également, Jean-Tiane, tu as publié, Oui, Fanny et non Lévy a publié un tout nouveau billet cette semaine, donc un billet qui se penche sur deux projets qui ont été portés par Pêche Sherpa, donc un Pêche Sherpa qui est un organisme qui travaille sur l'inclusion des exclus, je dirais. Donc, deux projets de médiation artistique là, très, très intéressants, Caméra Obscura et Sérigraphie. Donc, allez sur la page web pour en savoir plus. Exact. Ça vaut vraiment la peine. Ça se lit très bien à part de ça, ce texte. C'est inspirant. Donc, Jean-Tiane, on va tout de suite passer à la revue de presse de la semaine. Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans les nouvelles? Donc, dans les dernières semaines, il y a en fait la Ville de Québec qui a annoncé, c'est un appel de dossier, mais je le trouve intéressant. C'est un concours d'art public en collaboration avec des jeunes immigrants. Donc, un peu dans la veine de notre dossier sur la médiation. Il faut dire que la Ville a un penchant pour la médiation culturelle de ce temps-ci. Donc, c'est un concours d'art public qui va avoir lieu dans le parc Louis-la-Tulipe, dans l'arrondissement des Rivières. L'artiste qui va être sélectionné va réaliser une œuvre en collaboration avec un groupe de jeunes immigrants qui résident dans ce quartier-là. Donc, ça s'inscrit, comme je disais, dans l'un des six projets de médiation culturelle qui vont être prévus dans tous les arrondissements de Québec durant les six prochaines années. Avis aux artistes avant le 29 avril à ne pas manquer, donc. Et aujourd'hui, une nouvelle toute neuve. Le Musée national des beaux-arts du Québec annonçait le deuxième prix en art actuel qui est décerné à Carl Trahan. Caltrand qui recevra une bourse de 10 000 $ et une exposition rétrospective au sein du musée. Donc, une bourse qui est offerte en collaboration avec RBC. Encore dans le domaine des prix et des bourses, la liste préliminaire des candidats au prix Sobey pour les arts visuels a été dévoilée la semaine dernière. Du Québec, nous avons Olivia Boudreau, Jessica Eaton, John Raffman, Karen Tam et Ara Wahid, donc qui sont parmi les 25 artistes en liste pour le prix. Donc, nous allons pouvoir poursuivre le suivi de ce dossier lorsque les finalistes seront dévoilés le 1er juin et au mois de novembre, le lauréat ou la lauréate sera annoncé. Et enfin, on se laisse sur cette nouvelle triste du décès d'Alain Laframboise, donc un artiste et historien de l'art qui nous a quittés le 7 avril dernier. Donc, c'est un peu le tour de ma revue de presse cette semaine. Oui, parfait. Ben, merci beaucoup, Jean-Tiane, d'avoir fait le tri pour nous de ces nouvelles. Nous, on va faire une pause audio, bien sûr, toujours un groupe sélectionné par notre collaborateur Simon Roy. Cette semaine, il nous propose « Ten Waves of You », à vrai dire, un artiste originaire de Vigevano en Italie. Ça, c'est tout au nord-ouest de l'Italie. Donc, une musique, vous allez voir, très ambiante et planante. On s'en va écouter, donc, un premier extrait intitulé « Sail ». Je suis en compagnie du duo français Non Football Club, donc Séraphim et Colas, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue à l'aérospatiale. Vous êtes, comme je disais en introduction, en résidence depuis maintenant le 16 mars. Donc, votre résidence tire à sa toute fin parce que vous quittez, je pense, ce samedi. C'est oui, bien ça? Samedi. Donc, vous étiez ici en préparation de Manif d'Art 8, donc qui va avoir lieu en février 2017, l'an prochain. Et on avait envie de discuter un peu avec vous de cette résidence-là ici, parce que comme on n'a pas non plus toujours l'occasion d'avoir des artistes étrangers à l'émission, mais on en profite. On est contente. Et puis, peut-être pour commencer d'entrée de jeu, vous présenter un peu qu'est-ce que vous faites en duo Non Football Club, d'où ça vient, ça a commencé quand et qu'est-ce que vous faites? Alors, on travaille ensemble depuis 2009-2010 à peu près, toujours en duo, on n'a pas de pratique personnelle, c'est vraiment comme si on était un artiste. Mm-hmm. Et on fait plutôt de la sculpture, installation, de la vidéo, toujours, souvent en volume dans l'espace. On travaille beaucoup avec le contexte du lieu où on est, avec les matériaux qu'on trouve, voilà. avec les contraintes aussi. Mm-hmm. Beaucoup d'humour aussi dans votre travail. D'humour, d'ironie, en même temps, tout ça se mélange. En général, c'est un peu le point d'entrée de notre travail. On aime bien, en tout cas, déclencher l'humour au tout départ pour amener à une autre réflexion après. Mais mm-hmm. on peut aussi s'arrêter à l'humour. Chacun choisit où il veut aller. Mais il y a souvent plus d'ironie que d'humour plat, que drôle. C'est souvent plus grave. Ça questionne un peu de sociologie parfois, un peu de consommation d'autres fois. On aborde un peu tous ces sujets. D'accord. Et puis là, comme vous le disiez, vous êtes finalement une entité. Vous êtes deux cerveaux, mais une entité. Et, voilà. Et comment vous procédez ensemble pour créer une œuvre? Est-ce que vous amenez, un amène une idée, puis là, whoop, l'autre la renvole? Oui, c'est ça, en fait. C'est un échange dans la parole, en fait, d'abord dans le dialogue. On trouve quelque chose, on ajoute, l'autre dit « Ah, attends, comme ça va être mieux », et puis l'autre dit « Ah oui, d'accord, mais alors dans ce cas-là, on fait comme ça », et puis au moment, on se dit « Bon, d'accord, là, on a trouvé », et là, on réalise, on passe à la réalisation de l'idée. D'accord. Et puis, je pense que c'est votre première visite aussi, ici, à Québec et au Québec? Oui. Au Québec, au Canada, quasiment aux États-Unis. En Amérique du Nord, quasiment. Ouais. Première traversée de l'Atlantique. Première traversée de l'Atlantique. Et puis, dans le fond, c'est quand même intéressant, cette opportunité qu'on vous a offert. À vrai dire, finalement, c'est un peu, pas un scoop, là, mais d'habitude, on ne connaît pas l'identité des artistes de l'émission. Pas de l'émission, mais de Manif. Oui, c'est ça. Ça brise l'embargo. C'est très excitant. On est comme contente. Donc, c'était intéressant. Donc, on vous a offert de venir un an à l'avance pour commencer à préparer ce projet dont, malheureusement, on ne peut révéler non plus ce qui se trame, mais c'est dans les ateliers de l'œil de poisson que vous travaillez actuellement. Moi, j'étais curieuse de vous demander qu'est-ce que ça vous permet, justement, comme par rapport au projet que vous développez, de pouvoir commencer à l'avance comme ça aussi? Quelle opportunité ou possibilité ça vous donne de venir travailler à l'avance comme ça? Ben, comme on voulait travailler vraiment sur par rapport au contexte, par rapport au lieu où on est venu, ça nous donne du temps, ça nous a permis en fait de venir sur place, de voir comment c'était, comment ça s'imprégner. De s'imprégner de tout ce qui se passait et puis de trouver une idée avec ça. On est venu sans idée, donc c'était un petit peu risqué de démarrer avec rien, mais c'était un peu le jeu aussi. C'est oui. aussi ça qui est agréable, c'est ce petit moment où on commence à douter, où tout le monde nous demande ça va oui, ça va, ça va. Bah oui, bien sûr que ça va. Donc on endosse toutes ces vestes et à chaque fois on dit ouais, bah oui, mieux qu'hier, encore plus. On a encore moins trouvé, donc le stress s'accentue. Mais c'est pas un stress très concret. On a des idées qui nous viennent, on s'est inspiré, on a visité tous les musées possibles. On est sorti, on a passé des semaines agréables, et puis, paf, l'idée jaillit. Donc, l'idée, en fait, c'est de... Et non. Mais est-ce que cette résidence-là aussi, d'une certaine manière, ça vous permet de peut-être sortir de votre zone de confort, comparativement à d'habitude? C'est ça aussi, c'est pour ça aussi qu'on a voulu venir comme ça, sans projet préconçu. Mmh. Et par exemple, là, on a beaucoup travaillé à l'atelier métal de l'œil de poisson. Oui. Et qu'on n'avait jamais travaillé avec vraiment du métal comme ça, soudure et tout ça. Et donc en même temps, on se forme aussi. Nous, on s'est formés, on a pu se former à ça. Oui. Puis il y a les techniciens aussi sur place qui peuvent toujours vous donner un coup de main. Mais en même temps, c'est intéressant de toucher peut-être à des pratiques. C'est ça. Il y a du matériel qu'on n'a pas, des machines auxquelles on n'a pas accès. Et du coup, ça nous permet aussi de découvrir des choses. Et puis il y a eu des interlocuteurs aussi, notamment des artistes présents sur place qui sont arrivés. On a vu des expos d'eux qui ils sont partis. Nous, on va partir, il y en a qui arrivent. Donc tout ça, ça nourrit un projet. Oui, puis ça doit être intéressant aussi ce contact avec à la fois des artistes d'ici, parce que je sais actuellement que ça bouge beaucoup à l'œil, donc des artistes d'ici, mais également de l'extérieur. Donc, j'imagine que ces contacts-là sont intéressants pour vous aussi. Oui. Mmh. Exact. Et puis, j'étais curieuse aussi d'avoir votre... Vous avez dit que vous êtes baladée un peu, vous êtes allée voir des expos, peut-être voir... c'est sûr que vous êtes, je pense, de Paris, là. Vous êtes plus situé à Paris. Donc, c'est sûr que c'est pas comparable Québec-Paris quand même en question de taille ou de gens, mais j'étais curieuse de savoir par rapport à votre milieu artistique là-bas versus le milieu d'ici. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué pendant votre séjour? Je trouve que c'est assez une autre échelle, mais pas un autre niveau. C'est on a trouvé ici beaucoup d'opportunités, je sais pas, de voir des expos complètement différentes, mais aussi d'avoir accès en parlant avec des artistes dans tous ces centres d'art qui existent. De pouvoir accéder à des techniques, même en France, même à Paris, qui a l'air génial, on ne trouve pas si simplement. Mm-hmm. On était surpris par le nombre de centres d'artistes et par la complémentarité aussi de... Par exemple, on peut faire de la gravure, on peut faire du métal, on peut faire plein de techniques. Et à Paris, on peut le faire à l'École des Beaux-Arts, mais une fois qu'on est sorti de l'École des Beaux-Arts, il n'y a plus rien, donc il faut... OK, il n'y a pas de structure peu comme Méduse ou bien même les centres d'artistes de Québec sont quand même tous à proximité. Il doit y en avoir, mais... Là, ça a l'air tellement simple de trouver ce qu'on cherche que je pense que c'est un gros plus. Quand même. Potentiellement, on peut tout faire et dans très peu de mètres carrés. Oui. Et donc ça, c'est assez incroyable. Ouais. Parfait. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler et enfin, bonne fin de résidence. J'espère que vous allez réussir quand même à régler vos petits questionnements. C'est trop au courant des secrets. Ben, oui, mais là, je les ai à côté de moi dans la galerie. Donc, voilà. Mais merci beaucoup. Et puis, on va avoir bien hâte de voir le résultat là, l'an prochain. Il faut le rappeler aux gens, dès la mi-février 2017, l'an prochain, on va pouvoir ça à l'œil de poisson avec Manif d'Arles. Donc, merci beaucoup, Séraphie Mikolas. Merci. Parfait. Nous, on fait une courte pause audio et on vous revient avec Louane Bourdeau par la suite. We'll be right back. Je suis en compagnie de Louane Bourdeau ainsi que Lucie Perron. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, vous êtes ici pour nous parler de cet événement qui a cours actuellement dans le Jardin Saint-Roch, qui s'en vient une tradition, hein, en quelque sorte. Mais la quatrième édition, je pense. Ah non, c'est la sixième édition. Oh, j'en ai manqué encore, deux. Encore, t'en as manqué. Donc, en fait, c'est une initiative de la Maison des métiers d'art. Donc, oui, arbre vraiment... d'avril, hein, exactement. Faut dire. Oui, c'est ça, on n'a pas encore nommé l'exposition. Donc, une initiative de la Maison des métiers d'art qui est vraiment tout en face des Jardins Saint-Roch. Et donc, à la Maison des métiers d'art, il y a la concentration en textile. Et pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup, en fait, de gens ne le savent pas, mais avril, c'est le mois de la fibre. Donc, Arbre d'avril fait partie de la programmation. En fait, c'est une programmation là, qui en a à Québec, il y en a aussi ailleurs, à Montréal notamment. Donc, Arbre d'avril fait partie de ce mois particulier. Donc là, on est à la sixième édition. Donc, chaque année, on sélectionne quelques artisans en textile pour les inviter à présenter des œuvres à l'extérieur dans les Jardins Saint-Roch, donc dans les arbres. Donc déjà là, il y a quand même une... C'est le support sur lequel intervenir est intéressant aussi. Exactement. Et donc la sixième édition cette année, on avait un thème particulier, donc tisser des liens. Et Lucie, qui nous accompagne, est une des artisantes qui a fait partie du projet cette année. Donc, je sais pas, Lucie, peut-être peux-tu expliquer un peu ce que tu as fait et comment tu as réfléchi ton œuvre? Oui, avec plaisir. Alors, c'est ça, je suis justement partie du thème d'aller pour tisser des liens, oui, pour aller à la rencontre de l'autre. Donc, ce que je propose, c'est mon œuvre « Nous avons de la veine », alors qui se veut une œuvre totalement ludique et qui interpelle, qui sont quatre cœurs organiques, faits à partir de vêtements recyclés, notamment des pantalons recyclés, rouges et bleus. Donc, vraiment quelque chose de très très chatoyant, très lumineux. Et ces cœurs-là, dont les veines entrelacent l'arbre, donc et les cœurs aussi ensemble s'entrelacent. Donc, vraiment, c'est comme un gros câlin de textile. Wow! Ça donne le goût là, d'y aller là, pour le... Oui, effectivement. Bon, là, on parle de l'œuvre de Lucie. Il y en a d'autres aussi. Donc, il y a entre autres des œuvres qui sont dans les airs. Il y en a qui sont vraiment tout autour de l'arbre. Et ça, c'est intéressant aussi parce que l'arbre offre un support qui est quand même assez particulier. Donc, c'est pas un mur, c'est pas un espace vide. Donc, il faut faire aussi avec le fait de l'arbre. Puis, il faut faire aussi avec d'autres contraintes. La température aussi. La température, effectivement. Les passants. Donc, c'est ça. Moi, je pense juste, c'est ça, les intempéries. J'imagine, ça doit être quand même... Faut considérer ça. Si en avril, s'il pleut beaucoup, des fois même, il pourrait neiger aussi, on ne sait pas. Mais j'imagine que ça doit être pris en considération dans... Oui, ben notamment justement mes formes sont rembourrées. Habituellement, ce que je travaille c'est en galerie, donc on n'a pas à se soucier des intempéries. Il a fallu que je revoie aussi mon processus de rembourrage de mes œuvres. Oui. Alors c'est ça, ça amène à des développements techniques justement d'expérimenter d'autres médiums qui vont me servir au courant de ma pratique aussi. Donc c'est en même temps une contrainte mais qui devient un stimulant là, pour la création. Oui, sûrement, j'imagine, puis peut-être même ouvrir des portes pour d'autres projets par la suite aussi, j'imagine. Oui, tout est possible. Parfait. Eh bien, on a une deuxième invitée qui fait son apparition. C'est super. On avait peur de t'avoir manqué. Donc, c'est Catherine Cusson. Est-ce que tu peux nous parler de ta pièce que tu présentes justement à Arbre d'avril dans le Parc Saint-Roch? Oui, en fait, j'ai fait une pièce, on avait un thème qui était relié aux liens qu'on cultive et tout, et puis j'ai choisi de comparer ça un peu à la construction du textile, étant donné que c'est un événement textile. Puis je trouve que personnellement, ces poids-là sont, c'est-à-dire les relations interpersonnelles qu'on cultive, sont vraiment importantes. Ils prennent toute la place dans nos vies, mais sont en même temps invisibles. Fait que moi, c'est un genre de dentelle, finalement, là, que j'ai fait, qui est vraiment, vraiment discret, vraiment léger, qu'on voit de près. OK. Donc, il faut vraiment se rapprocher pour aller apprécier ça aussi. C'était intéressant. J'imagine qu'il y en a qui doivent se voir de loin, mais d'autres sont comme la tienne, plus en subtilité aussi. En effet. Oui. Bien, moi, j'aimerais ça, en fait, peut-être vous entendre aussi un peu sur comment vous avez vécu votre installation, parce que bien, pour déjà avoir participé à cet événement-là, l'installation, souvent, bien, parfois il fait froid, parfois il pleut. Il y a aussi toutes les contraintes physiques par rapport à l'œuvre, parce que comme je pense que c'est la ville, en fait, qui gère ce parc-là. Il faut quand même faire attention aussi aux arbres, s'assurer de ne pas les abîmer. Donc, peut-être, comment vous avez vécu votre expérience? Ben, pour ma part, c'était quand même assez long parce que j'ai 4 formes qui s'entrelacent. Donc, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de manipulations. Donc, c'était une très belle journée de pluie. Alors, j'étais habillée en imperméable, mais j'étais prête. C'était pas ma première expérience d'art public. Mais quand même, coudre sous la pluie, c'est ça. Il y a eu des petites difficultés. Les fils cassaient aussi parce que le tissu était mouillé. Il a fallu que je change mes fils, grimper dans un escabeau aussi. C'est pas tout à fait évident. Dans les conditions les plus optimales, j'imagine. Non, pas tout à fait. Mais je trouve que c'est ça. Après ça, le résultat n'en est que plus satisfaisant. Puis j'ai eu de l'aide aussi de la Maison des métiers d'art qui ont été très gentils, du support technique et moral. Oui. Catherine? Oui, bien, en fait, c'est sûr que là, la neige commençait à fondre. C'est pas la première année que je le fais, mais cette année, là, l'échelle calait, puis disons que... C'était presque dangereux de monter là. Mon arbre, les branches sont vraiment hautes, puis voilà. Il faut savoir aussi que Catherine, son œuvre est aussi très en hauteur, donc oui. C'était pas possible de l'installer, j'ai l'impression, sur le tronc. Ça aurait perdu un petit peu le sujet. Oui. Donc, Il nous reste à peu près 2 minutes. Moi, j'étais curieuse parce que j'ai vu qu'il y avait une œuvre collective aussi qui a été réalisée. Justement, c'est ce dont je voulais vous parler. Donc, en fait, ça a été réalisé par Sabine Voisard, qui est une professeure à la Maison des métiers d'art, notamment en couture. Et donc, je crois que c'était dans le cadre d'une résidence qu'elle avait fait. Donc, elle invitait les gens. Il y avait plusieurs vendredis, donc c'était vraiment échelonné sur un certain temps. Elle invitait les gens, les nouveaux arrivants, notamment, à venir faire l'œuvre avec elle. Donc, en fait, faire des tresses de tissu qui ont été assemblées en la suite avec des techniques qui sont près là, du tapis traditionnel tressé où tous les tresses là, sont vraiment reliées ensemble. Et donc, ils ont fait vraiment un matériel qui est quand même assez long et qui ont mis sur une structure de métal qui va vraiment couvrir tout un tronc du parc. Et donc, vraiment ici, on comprend très bien là, la notion de tisser des liens. Et ce qu'on dit, entre autres, là, dans le communiqué de l'exposition, c'est que les tresses, c'est un élément universel. Et donc, vraiment, tout le monde, même si on est des nouveaux arrivants, qu'on vient de d'autres cultures, se retrouve dans cette forme de tissu-là. Et là, il y a vraiment, je trouve, quelque chose de très intéressant aussi, où on comprend vraiment d'autant plus la notion de tisser des liens. Là. Oui, exact. Donc, peut-être rappeler rapidement un peu les artistes qui sont présents. Donc, on a Catherine et Lucie. Il y a aussi Élise Dubuy et Mimi Traillette. Donc, vous pourrez voir les œuvres. C'est en fait au coin des rues de la Couronne et Charret. C'est à l'extérieur sur les arbres. Donc, il y a des différentes identifications là, pour qu'on puisse voir à quel endroit sont situées les œuvres et qui les a faites et dans quel esprit. Donc, c'est visible jusqu'au dimanche 1er mai. Donc, profitez du beau temps pour aller prendre une marche dans ces rocs et voir ça. Ben oui, exactement. Alors, merci Louane pour ta proposition de chronique et merci beaucoup les filles de votre participation. Merci de nous avoir reçus. Oui, merci. Ça fait plaisir. Alors, nous, on fait une pause publicitaire et on vous revient pour la deuxième moitié de l'émission. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. lebaldulezard.com. Ne manquez pas Entraîne ta fibre le 28 avril prochain de midi à 14h. Une émission diffusée en direct de la 4e foire des entrepreneurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. François Bégin et ses nombreux invités issus de la communauté d'affaires parleront des 5 cycles d'une entreprise tels que le prédémarrage, le démarrage, la croissance, la maturité et le transfert. Entraîne ta fibre en direct de la foire des entrepreneurs le 28 avril prochain de midi à 14h. Seulement au 89.1. En avril, ne manquez pas au cinéma Le Clap, Made in France, dès le 15 avril. L'origine des espèces, dès le 22 avril. Courez la chance de gagner une soirée resto ciné pour deux en collaboration avec les restaurants Le Cosmos. Pour participer, téléchargez gratuitement le magazine Le Clap sur votre tablette. Faites vite, vous avez jusqu'au 28 avril pour participer. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Quand on a 19 ans, on peut acheter de l'alcool légalement. On peut aller voter. Ça fait un an qu'on a 18 ans. On peut entrer sur les sites qui nous montrent si on a 18 ans et plus. On est né en même temps que la barberie. Mais quand on a 19 ans, on peut être une entreprise en pleine croissance. On peut être un acteur important de l'économie sociale de Québec. Quand on a 19 ans, on peut déjà faire partie de l'histoire. Et on peut rêver aux belles années qui s'en viennent. Quand on a 19 ans, on a hâte à l'année prochaine. La Barberie, 19 ans, bientôt 20. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact de cinéma maison. Audiolite, 50 ans de haute fidélité et toujours spécialiste en son et images. Audiolite. 355 rue Marie de l'Incarnation, 418-687-9252. Audiolite.qc.ca. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix aux émissions musicales tous les samedis. Michel-Ange avec Michel Gay à midi. Rétrogardiste avec Christina Moschilli à 17h. Ma boîte à cassettes avec Jean-Philippe Deschênes en 6 à 8. CKRL 89.1. Et c'est alors que le miracle va se produire, lorsqu'à 50 km de là, dans la salle des Amphis de Sainte-Assise, la célèbre chanteuse Yvonne Brottier, tremblante d'émotion, attend le signal tendu tout entière vers le micro. Québec. De retour pour la deuxième demi-heure de l'aérospatiale. Audrey Caro, toujours avec vous. Eh bien, on va maintenant s'intéresser à une exposition qui s'est terminée tout juste ce dimanche, mais on avait envie d'y revenir parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de vous en parler, mais c'est l'exposition « Refus acceptable, I would prefer not to do so » de l'artiste Valérie Perron qui a été présentée à l'œil de poisson dans la petite galerie. On avait envie de faire un retour parce que c'est une exposition quand même, on pourrait dire, un peu audacieuse, un peu intrigante. Intrigante aussi. Et j'ai un invité spécial donc pour nous parler de cette exposition-là, un invité au bout du fil, c'est Steven Girard. Bonsoir Steven. Bonjour. Alors, toi, Steven, tu es artiste performeur, mais tu t'es intéressé aussi à la pratique de Valérie Perron. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous la présenter, qui est cette artiste? Oui, tout à fait. Valérie Perron est un artiste qui habite à Montréal. En fait, principalement, elle fait du reenactment, donc de la reperformance. Dans sa pratique, elle revisite des pratiques d'artistes féminines, féministes ou masculines pour avoir à les réactualiser et présenter un pan féministe à travers ses documents historiques. Donc, c'est sa pratique habituelle. Elle a à son actif surtout des interventions en espace public et des performances solo, ce qui m'a assez fasciné dans l'exposition à l'œil de poisson, en fait, c'est que c'est en galerie, c'est un contexte vraiment différent, et de plus est, le titre de l'œuvre qu'elle reperforme n'est pas totalement clair, puisque le titre de l'exposition qu'elle nous propose tire à droite et à gauche, en fait, on parle d'un livre... Bartleby, qui avec la citation en anglais, mais sinon c'est assez intriguant en fait, comme vous l'avez dit, à savoir qui est à l'origine de la reperformance et quel document historique est utilisé. Donc. Exactement. Et puis, c'était quand même, comme je le soulignais, une proposition quand même audacieuse, parce qu'il faut rappeler que elle avait finalement barré l'accès de la petite galerie, donc mis une porte, mais le visiteur se frappait le nez sur cette fameuse porte aussi qui était verrouillée. Oui, tout à fait. Puis de plus, il y avait aussi l'horreur un peu encore plus baveuse ou encore un beau pipi de nez. Elle avait l'horaire de fermeture plutôt que l'horaire d'ouverture, reprenant les codes de la porte à l'entrée de l'œil de poisson. Habituellement, il y a toujours les heures d'ouverture. Puis là, bam, dans la petite galerie, la porte qui est verrouillée avec les heures de fermeture. Oui. Tu l'as dit, il y a uniquement la dernière journée que la porte était ouverte. C'est ça, et puis tu étais présent lors de cette journée-là, je crois. Oui, tout à fait. Je me suis intéressé justement à la pratique de Valérie Perron, donc j'ai demandé pour garder la galerie, en fait, pour avoir à voir les réactions des gens qui venaient dans la petite galerie, puis qui soit c'était leur première fois, puis qu'ils n'avaient pas vu, en fait, tout le subterfuge sur la durée, ou au contraire, attendaient ce moment pour essayer de décrypter un peu ce qui se passait avec cette exposition-là. Oui, bien, c'est ça. C'est ça, je me demandais si il y avait beaucoup de gens qui étaient revenus, parce que moi, je me rappelle avoir vu des gens qui étaient un peu déçus, mais qui ont dit « Ah, ben on va revenir », puis quel genre de réaction avaient-ils, ces gens-là, qui étaient revenus voir l'exposition? Hein? Bien, en fait, je pense que c'est tout à son habitude, Valérie Perron nous fait que pointer envers des portes sans ouvrir ces dernières, sans faire de jeu de mots, en fait. Oui. C'est, à l'intérieur de la galerie, il y a plusieurs documents, en fait, il y a trois documents qui laissent présager, en fait, qu'il y a eu un contrat de vente, un contrat de démission, et qui ne sont pas, c'est pas tout à fait clair, en fait, à qui elle s'adresse, mais c'est toujours signé avec de ses signatures dans le cas de contrat de vente. Mais dans le cas du contrat d'émission, en fait, c'est un gribouillis, comme si elle avait commencé à signer un contrat d'émission, puis elle avait cessé, en fait, de vouloir le compléter. Donc, ces deux documents-là sont dans des cadres accrochés sur le mur. Oui. Puis en haut à droite, à la hauteur habituelle où est-ce qu'on mettait le crucifix fut un temps, il y a son nom avec le nom d'exposition en vinyle, toujours avec les mêmes codes de la galerie, mais où est-ce qu'elle a préalablement enlevé son nom. Donc, il y a cette espèce de tension qui, moi, en fait, j'ai fait quelques recherches par rapport aux artistes féministes qui ont œuvré en performance, puis tout ça m'apparaît de plus en plus limpide que ça serait un reenactment, en fait, de Laurie Parson. Non, mais ça, je me garde encore. Faut que je tire les verres du nez de Valérie Perron pour savoir si c'est vraiment ça qu'il nous proposait. Oui. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans tout ça, c'est que c'est une exposition, oui, de performance, mais où il n'y a pas présence de l'artiste, en quelque sorte. Parce que souvent, quand on pense à la performance, bien, l'artiste est là, il performe soit devant public ou pas, là aussi. On a vu des performances qui n'avaient pas de public, mais reste que quand même, ça joue aussi avec les codes de l'exposition, de comment on présente aussi la performance en galerie aussi, donc c'est quand même intéressant cet aspect-là. Oui, tout à fait. Il y a un peu quelque chose d'étrange qui passe avec cette exposition-là, dû au fait que c'est conceptuellement, c'est ce qu'elle fait dans sa pratique, mais sans pour autant le faire dans son médium de prédilection, qui serait la performance. C'est comme si elle avait enlevé son corps, qui est un outil primordial pour la performance, puis qu'elle nous proposait tout le reste, en fait. le fait le fait qu'elle réactive les documents historiques, le fait qu'elle rejoue avec le récit de l'histoire de l'art, avec les codes de l'histoire de l'art, mais sans pour autant qu'elle y soit. Donc il y a quand même un changement assez intéressant dans sa pratique avec cette œuvre-là qui est opérée. Mm-hmm, oui. Eh bien, vraiment, une exposition qui nous a, je pense, tous un peu surpris, hein, quand même, Jean-Thiane. Oui, oui. c'est surprenant de ouais. se retrouver devant une porte barrée comme ça, très intriguant, très... Puis où le spectateur aussi, dans ce mode un peu, comment dire, de la privation, où on lui enlève le... Oui, il y a une frustration. Oui, ouais, un peu de frustration mm-hmm. aussi, mais bon, il n'y en a pas qui sont arrivés en maudit, là, quand même, mais il y en a qui étaient déçus, ça, c'est certain. J'avais vu de la déception, mais bon, reste quand même une proposition assez intéressante. Merci beaucoup, Steven Girard, de nous en avoir parlé ce soir. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Donc, nous, on va faire une courte pause et on vous revient avec Suzy Dufour. L'émission se déroule comme sur des roulettes, vraiment. Ça roule sa bosse, cette petite affaire-là. On est déjà rendu en chronique avec Suzy Dufour. Bonsoir, Suzy. Bonsoir, mesdames. Alors, tu es allée voir cette exposition donc de Mathieu Valade, Hermétique Club à la Galerie 3, qui a été, à vrai dire, vernie il y a peu de temps. Oui, exactement, tout à fait. Et qui présente des pièces très, ben, je dirais, typiques de Mathieu Valade, quand même. Ben, est-ce que tu peux nous le présenter un peu, justement, pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas? Absolument. C'est un artiste québécois, bien sûr, qui travaille sur les contrastes, les contradictions dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'il fait un travail autoréférentiel, donc il peut faire référence à des mouvements artistiques comme le minimalisme, l'art conceptuel, le romantisme, là je nomme bien sûr les mouvements artistiques dont on va parler par rapport à cette exposition-là. Et il travaille aussi sur l'image qui nous entoure, je dirais, dans notre quotidien, c'est-à-dire la publicité ou les affiches. Donc il va utiliser beaucoup l'écriture, les écriteaux, les affichettes ou toutes ces univers, les logos, symboles. Oui, absolument. Et même des finalement des écritures, des types d'écritures qu'on reconnaît bien. Sa signature de marque à Mathieu Valade, c'est l'écriture Times New Roman que tout le monde utilise un peu partout. Et ces écritures sont toujours sous cette typographie là. Merci beaucoup, je cherchais le mot. Police de caractère. Police de caractère. Oui. Ben je me rappelle avoir vu l'an dernier à Regard ou peut-être l'été dernier là, il y avait c'était eu à l'automne. Ouais, c'est ouais. ça, Times New Roman, Times New Roman écrit en gros là une sculpture mais infiltrée dans le décor urbain là où les arbres et tout à Lévis là avec Regard. Oui. Oui, il fait beaucoup dans l'intégration aussi de ses œuvres dans l'espace public où il y a comme un doute qui s'installe, puis on la voit plus, puis on la voit. Un camouflage d'œuvres, en fait. Oui, oui tout exact. À fait. Et puis, qu'est-ce qu'il nous présente à la Galerie 3, justement, Mathieu? Il nous présente, en fait, 5 types d'œuvres, je dirais, qui présentent une filiation, comme je disais, entre le romantisme et ce qu'il y a de très expressif dans ce mouvement artistique-là, avec le côté très cérébral, je dirais, et conceptuel de l'art conceptuel ou du minimalisme. Mm-hmm. Donc, il va joindre finalement ces deux univers-là dans la plupart des pièces qui sont présentées à la Galerie 3. Et ce qui va donner justement des contradictions assez fortes qui peuvent surprendre et qui mettent souvent le visiteur en scène. C'est-à-dire qu'il va utiliser beaucoup des surfaces réfléchissantes, que ce soit dans le miroir bien sûr, ou même ses dessins sont encadrés et même recouverts d'une fenêtre qui fait en sorte, puis comme ses dessins sont en grande majorité, mais en tout cas dans ce cas-ci, sont de fond noir, ça fait en sorte que le spectateur qui se trouve devant cet encadrement-là se voit reflété dans la surface. Donc, il y a cette idée-là. D'ailleurs, il y a quelques titres qui reprennent cette idée de se regarder, de faire une auto-référence à soi-même comme « vanité ». En fait, il y a un trio de pièces de sculpture qui s'appelle « Triomphe de vanité ». Et qui représente 3 têtes de chevreuil comme des trophées de chasse, donc triomphe, trophée. Et en fait, ces chevreuils-là sont constitués de miroirs ou de surfaces réfléchissantes, ce qui fait en sorte, puis avec le terme vanité, ben on se voit dans ces têtes-là décapitées, en quelque sorte, et on peut voir notre fin en tant qu'humain. Donc, c'est des objets qui sont hyper esthétiques, dans un sens, parce que, Des beaux objets des beaux aussi, objets. Là, intéressants. Ben, faut dire aussi que ces têtes-là, de chevreuil, à vrai dire, il y en a des noirs, mais il y en a aussi une en miroir. Exactement. Donc, oui, les surfaces réfléchissantes, même, je pense que c'est en plexiglas noir, justement, les noirs, à mon souvenir, là. En polyuréthane, je crois. Pardon. Donc, merci. Mais effectivement, c'est vrai qu'on voit notre reflet. Les dessins, j'avais pas, tu me l'as dit, mais j'avais pas porté attention à ça nécessairement. Mais oui, c'est vrai que la vitre est assez réfléchissante aussi. Oui. Puis les dessins, ben moi ça m'a bien frappé. En fait, ça a été mon coup de cœur, je pense, de l'exposition, la série de dessins qui s'intitule tous, sans titre et quelque chose. Donc, sans titre et nuages sombres, sans titre et cumulonimbus, sans titre et foudre. Et bien sûr, sans titre fait plus référence à l'aspect minimaliste, conceptuel de l'art contemporain, alors que la suite du titre nuages sombres ou cumulonimbus fait plus référence à l'aspect naturel qui était très présent dans l'art du romantisme. Puis on peut penser, par exemple, à Gaspard David Friedrich, où on voit l'homme dans la nature. Et là, ce que l'artiste fait, Mathieu Valade, c'est qu'il a mis finalement des formes associées au minimalisme dans des éléments naturels. Donc, que ce soit dans l'eau, le ciel. C'est ça, le ciel et tout, mais l'espace aussi. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé également cette série de dessins-là. Puis, c'est drôle parce que là, tu me fais penser que face, ben moi, j'ai regardé au vernissage l'exposition, mais bon, avec le monde, on peut pas toujours vraiment apprécier les œuvres dans leur plein potentiel, mais elles font face aussi à trois boîtes, puis là, tu me parles de romantisme et tout, puis de nature, puis dans ces boîtes-là, qui ont des vitres givrées, on décèle qu'il y a des éléments naturels qui s'y cachent, mais c'est flou quand même. Oui, oui, super intéressant ces pièces-là aussi. Comme tu le dis, c'est comme camouflé derrière une espèce de vitre givrée, des éléments, bon, on reconnaît un corbeau, hein, Audrey, il y a des corbeaux, il y a une tête des fleurs, de mort, des aussi, fleurs. Des feuilles, en tout cas, moi j'ai beaucoup vu le feuillage, puis j'ai vu qu'il y avait, oui, je croyais des animaux, effectivement, mais bon, j'ai pas porté la plus grande des attentions, mais on décèle le quoi, mais c'est, comme je l'ai dit, assez flou, énigmatique, ces boîtes-là. Là. Oui, puis ça aussi, il y a comme un parallèle entre les vanités du romantisme qui rappellent la mort, la fin certaine de l'homme, avec le crâne, le corbeau, avec des fleurs aussi parfois, donc les fleurs fanées, etc. Oui. Mais là, ils sont camouflés derrière cette vitre givrée-là, en forme de cube, et qui rappelle encore une fois, le minimalisme et le côté peut-être moins déchiffrable de l'art contemporain que l'était l'art du romantisme. Donc, il y a ces contrastes-là qui se retrouvent aussi dans cette pièce-là qui est énigmatique, hein, parce qu'on se demande ce qu'il y a derrière la vitre. Oui. Et puis, une dernière chose, il y a cette œuvre aussi en miroir, au fond, que moi, en tout cas, j'ai particulièrement aimée, donc, parce qu'on la regarde, puis il y a un motif aussi très décoratif, mais quand on se rapproche, on y voit d'autres choses. Oui, c'est ça. Ben, en fait, quand on s'approche, moi, je vais être honnête, quand je suis allée, la pièce, elle n'était pas visible. Ah, OK. J'aurais dû te dire avant l'exposition. Bon, mais c'est pas grave, moi, je l'ai vue. Parfait, raconte-nous, mais c'est Audrey. Ça, en fait, c'est un motif de loin, un motif décoratif sur le miroir. Et quand on s'approche, eh bien, ce sont tous des petits symboles, des logos très connus, Adidas, Lacoste, et autres, dans le fond, qui forment finalement c'est tous des logos publicitaires, mercantiles, commerciaux. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi qui s'y rattache, justement, dans le contraste, peut-être aussi, entre le beau et le côté mercantile de la chose. Enfin, cette pièce-là est venue me chercher, puis encore une fois, oui, cette idée du reflet que le spectateur se trouve comme se voit. Est-ce qu'on n'y fait pas des parallèles justement avec nos habitudes de consommation aussi au travers de tout ça? Enfin, une pièce qui était intéressante, mais j'imagine aussi assez fragile. Oui, ben exactement. Je pense que c'est ce qui s'est passé quand je suis allée. Alors, ben Suzy, merci beaucoup merci à vous de nous en avoir parlé. Vraiment, ça donne le goût d'aller voir cette exposition-là. Moi, ça me donne le goût, en tout cas. Puis vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait que c'était aussi très, très varié comme proposition. Donc, on peut y trouver son compte, puis avoir des coups de cœur, inévitablement. Oui, très surprenant. Super. Ben merci encore une fois, Suzy. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Alors, on fait une pause audio et on revient avec les événements de la semaine. Thank you. Et bien sûr, avant de vous quitter, on va vous parler un peu des événements de la semaine. Jean-Tiane, oui. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine en art visuel? Donc, cette semaine commence plusieurs expositions, dont à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval, jeudi. Ghost d'Olivier Hébert. Donc, le vernissage va commencer à 17h. Par contre, il va y avoir une rencontre avec l'artiste dès 16h30. OK. Intéressant. Faut se déplacer dans ce temps-là. Oui. Ben, il y a une rencontre privilégiée, je dirais, avec l'artiste. Alors que, au lieu, le même soir, à 17h, en fait, il va y avoir une conférence d'Elvira Santa Maria, donc qui ouvre une conférence qui est ouverte au public, qui va être suivie de workshops toute la fin de semaine. Les workshops sont complets, je vous le dis tout de suite. Et elle va également nous offrir une soirée de performance le 29 avril. Donc, son séjour au Québec va être bien rempli de plusieurs rencontres, toujours au lieu Centre en art actuel. Et puis, à L'Œil de Poisson, il va y avoir également une rencontre avec Mike Bourchette à 17h. Donc, l'artiste qui est en résidence, dont l'exposition va débuter le 29 avril. Donc, la rencontre va avoir lieu exceptionnellement chez Vue Photo. Oui, c'est ça, parce que les galeries sont en montage, peu bordélique, on se le cachera pas en ce moment. Donc, Vue nous prête gentiment ses locaux. Et vendredi, à Regard, il va y avoir trois vernissages. Mathieu Lévesque, un artiste de Montréal qui investit la galerie de ses couleurs, paraît-il. Laurie Saint-Onge dans la vitrine des membres. Donc, Laurie Saint-Onge d'Hostie qui présente un projet vidéo autour de la natalité, et François Chamberlain qui présente un projet audio. Donc, François Chamberlain qui est un Lévisien qui a enregistré un disque. Et finalement, vendredi, à ne pas manquer, Canadian Bacon qui regroupe une quarantaine d'artistes de Québec, je crois. Donc, le monde des arts, le monde des graffitis, le monde de l'illustration se rencontre dans cette fête devenue maintenant traditionnelle pour l'art de la capitale. Donc, au 280 Arago Est, donc dans les locaux de Plenty Humanware, à partir de 16h jusqu'à tard dans la nuit. Donc, vous allez retrouver toutes ces informations et la balado-diffusion de cette émission sur notre page web www.laérospatialecrl.wordpress.com. Oui, il ne faut pas oublier aussi de remercier nos invités d'aujourd'hui, le duo français Non-Football Club, Catherine Cusson, Lucie Perron et Steven Girard, mais également nos collaborateurs Louane Bourdeau, Suzy Dufour, Simon Roy pour sa sélection audio d'aujourd'hui, et bien sûr notre magicien des ondes Jacques Gignac qui est toujours là. Bien sûr, je te remercie, chère Jean-Tiane, d'être à mes côtés. Merci à toi, Audrey. Alors, nous, bien sûr, on cède le micro à Pierre Blais. Restez à l'écoute pour son émission Situation critique. Et nous, Jean-Tiane, on vous dit bonsoir, bien sûr. Et à mardi prochain. À mardi prochain. Bye. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. lebaldulezard.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Tout le monde connaît les Ploufs parce qu'ils ont été adaptés à la radio, à la télévision, au cinéma. L'été classique. Agaguc, Ticoc et les Ploufs. Si tout le monde connaît les Ploufs, il faut pas oublier que Roger Lemelin, lui-même, c'était une star dans le temps. Un vrai Xavier Dolan de son temps. Tout le talent d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Mais les Ploufs, c'est qui au juste? Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission Jamais comme tout le monde, animée par Tania Beaumont.